Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, dernier volet de notre semaine sur la trahison en politique, avec l'histoire d'un renoncement, celui de François Hollande. Nous aurions pu appeler ce numéro la conspiration de l'empêchement, tant le quinquennat du président socialiste a été perturbé par une partie de ceux qui l'avaient accompagné lors de sa victoire en 2012 et qui ont tout fait pour qu'il ne puisse pas briguer un second mandat. Ici, et s'il y a des traîtres, ils ont plusieurs visages. Il y a bien sûr les frondeurs qui, mois après mois, ont marqué un peu plus leur distance avec le président jusqu'à espérer un jour organiser la chute de son gouvernement. Il y a Emmanuel Macron, le conseiller de l'Élysée, devenu ministre, qui a profité de la fronde pour tracer sa route. Enfin, il y a le président lui-même qui s'est peut-être trahi en faisant parfois des choix qu'il regrettera plus tard. Alors, qui a tué François Hollande, comme le titre notre invité, la journaliste Michèle Cotard, co-auteur du livre « La République des traîtres ». Vaste question, à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui en se demandant également si le principal adversaire du président Hollande ne fut pas lui-même. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mai 2017, restaurant de la Boule Rouge, dans le 9e arrondissement de Paris. Alors que le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, descend les Champs-Élysées, c'est ici que François Hollande tient son premier repas de citoyen redevenu normal, lui qui voulait en l'être normal. Quelques jours plus tôt, il avait donné à Bernard Cazeneuve le nom des invités qu'il avait souhaité convier. Il n'a choisi que des fidèles, ceux qui, au long de ces 5 années à l'Élysée, ne l'ont pas trahi. Parmi ses apôtres, si je puis dire, on reconnaît les amis toujours, ceux de l'armée, de l'ENA, Michel Sapin, Jean-Pierre Jouyet. Il y a les bâtisseurs, Pierre Moscovici, Stéphane Le Foll et Jean-Yves Le Drian, avec qui il a changé Solferino en maison de la social-démocratie. Et puis les compagnons de Matignon, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve, à qui il accordait toute sa confiance afin qu'il mène sa politique et sans arrière-pensée. Manuel Valls, lui, n'a pas été invité. Voyez-vous, il y a des choses qu'un Premier ministre ne devrait pas dire, notamment quand son président hésite à se représenter devant les Français. Pour les conseillers du prince, Valls a été le dernier Judas d'un quinquennat où rien ne fut épargné aux locataires de l'Élysée. Lors de ce déjeuner, le désormais président sortant ne laisse rien paraître du grand vide qui depuis quelques jours s'est installé autour de lui. Dans la matinée précédant ce déjeuner, alors que le palais prépare l'arrivée du président élu, lui, François Hollande, seul dans son bureau, signe les derniers décrets, les ultimes nominations. À 11h, enfin, on lui annonce l'arrivée d'Emmanuel Macron. Devant les caméras, sur le perron de l'Élysée, les deux hommes hésitent à s'embrasser. Puis, à l'abri des regards, ils s'entretiennent en tête à tête. De ce dernier entretien officiel, on ne sait presque rien. François Hollande en parle brièvement tout de même dans son livre « Les leçons du pouvoir », dans lequel il évoque la gêne que semblait ressentir Emmanuel Macron face à lui dans ce bureau qui était désormais également le sien. Après une heure de discussion, les deux hommes réapparaissent dans la cour de l'Élysée. Emmanuel Macron accompagne François Hollande jusqu'à sa voiture et participe même aux applaudissements du palais. Qui aurait pu croire que ce quinquennat se conclurait par cette image, celle d'un président empêché de se représenter, laissant sa place à un ancien conseiller qui jamais n'avait été élu. Cinq ans plus tôt, en effet, en mai 2012, lors de l'investiture officielle de François Hollande, Emmanuel Macron n'est pas descendu dans la salle des fêtes de l'Élysée pour obtenir une poignée de main, une bise du nouvel élu. Non, non, il est resté 2 étages au-dessus dans son bureau pour se préparer à sa nouvelle fonction de secrétaire adjoint de l'Élysée. Est-il déjà le favori de François Hollande? Sans doute. Car même si les journalistes politiques ne mentionnent presque jamais son nom, cet ancien banquier d'affaires chez Rothschild a su se rendre indispensable auprès du candidat socialiste d'ailleurs. À l'Élysée, l'amitié entre les deux hommes se poursuit. Leur lien semble même être inaltérable. Sur les images du documentaire de Patrick Rothman, intitulé Le Pouvoir, qui a suivi les premiers mois de François Hollande à l'Élysée, Emmanuel Macron est presque toujours aux côtés du président, comme lors de ce discours aux membres de son cabinet, durant lequel le jeune homme écoute presque religieusement la parole du maître des lieux. Je voulais d'abord vous remercier tous d'avoir accepté de venir travailler ici, là où la lumière pouvait vous être donnée, dans les ministères, dans des cabinets prestigieux. Vous avez préféré travailler dans l'ombre, et vous avez bien fait. Merci d'avoir accepté ce travail. Ceux qui veulent présenter leur démission, c'est encore possible. Maintenant, vous êtes une équipe et vous êtes liés non seulement à ma personne, mais les uns les autres. Et nous sommes surtout liés aux Français. C'est toujours avec cette référence, par rapport aux Français. Et donc, vous êtes vous-même garant de ce que la France va être dans 5 ans. Merci à tous de le comprendre. Pendant 2 ans, Emmanuel Macron accepte de rester dans l'ombre du président. Et c'est du palais qu'il assiste au réveil de ce qu'on pourrait appeler encore la guerre des roses au sein de la majorité présidentielle. Avant d'être élu, François Hollande a été pendant plus de 10 ans, rappelons-le, le premier secrétaire du PS. À Solferino, il a tout vécu et tout vaincu. Désormais président, il a appelé au gouvernement des socialistes qui ne suivaient pas sa ligne au Parti Socialiste. C'est la geste élyséenne classique. Le président rassemble autour de ce qu'on appelle, pour François Hollande, la synthèse. Une vieille habitude chez lui, souvent confondue avec immobilisme ou non-décision. Mais à l'Assemblée nationale, les choses s'annoncent plus complexes. Dès le mois d'octobre 2012, une partie de l'aile gauche du PS refuse de suivre tête baissée son ancien chef. Au début de ce qu'on appellera plus tard la Fronde, ils sont 20. 20 députés socialistes à voter contre la ratification du traité européen de stabilité budgétaire. Bon, rien de grave, après tout, on a assez fustigé, à juste titre, les assemblées Godillot. On n'allait pas se plaindre qu'il y ait débat, voire désaccord au sein d'une même famille politique au pouvoir. Mais ce premier vote au Palais Bourbon met en lumière en vérité l'opposition qui va naître au sein de la majorité sur les choix du président. Au cours de la première année, la Fronde est timorée. Selon les projets de loi, certains votent contre, d'autres s'abstiennent. François Hollande fait avec. Sauf qu'à l'automne 2013, le changement promis par le président tarde à arriver. Et puis la popularité de l'exécutif est déjà sérieusement écornée. Les Français critiquent les choix du président qu'ils voient surtout comme des non-choix. Alors, François Hollande décide d'accélérer. Lors des vœux de fin d'année 2013, il rappelle son objectif et annonce une nouvelle mesure. Je vous le redis ce soir, je n'ai qu'une priorité, qu'un objectif, qu'un engagement, c'est l'emploi. Car chaque emploi créé, c'est un peu de force reconquise. Chaque chômeur qui reprend un travail, c'est une famille qui respire. C'est de l'espoir qui revient. C'est du pouvoir d'achat qui est regagné. C'est de la justice sociale qui est retrouvée. En 2014, nous aurons besoin de la mobilisation de tous pour gagner cette bataille. C'est pourquoi je propose un pacte de responsabilité aux entreprises. Il est fondé sur un principe simple. Moins de charges sur le travail, moins de contraintes sur leurs activités, et en même temps, une contrepartie. Plus d'embauches et plus de dialogue social. Face à cette politique dite de l'offre, proposée par le président, la Fronde des députés socialistes gonfle ses rangs. L'opposition ne se limite plus aux bancs et aux couloirs de l'Assemblée, mais elle s'étend sur tout le territoire. Dans les réunions des sections du PS, les débats ressemblent à un long congrès sans fin où deux camps se font face entre les soutiens et les détracteurs du président. En mars 2014, parallèlement, l'élection municipale illustre le fossé qui se creuse entre le président et les Français. En 2 semaines, le PS perd la majorité des communes de plus de 30 000 et 100 000 habitants. Pire, dans cette déroute historique, des ministres de premier rang, dont Pierre Moscovici, en charge de l'économie et des finances, sont vaincus. Alors, face à la crise, le président Hollande décide de parler aux Français et annonce lui-même le nom de son nouveau Premier ministre. Le message que vous m'avez adressé, je le reçois personnellement. Et je dois donc y répondre. Avec franchise et avec lucidité. Avec la conviction intime que je me suis forgée depuis maintenant 22 mois comme président de la République. Il est temps d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire, un gouvernement de combat. Mais ce gouvernement, une fois de plus, a le visage de la synthèse. François Hollande nomme à peine Nyon Manuel Valls, représentant de la ligne libérale du PS, et promeut en même temps deux figures de la gauche du parti, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, à des postes stratégiques, le premier à l'économie, l'autre à l'éducation. Cela suffira-t-il à briser la fronde? François Hollande l'espère. À l'Élysée, d'autres départs sont actés, comme celui d'Emmanuel Macron. Lors du remaniement, Manuel Valls avait proposé son nom, chef de l'État, qui avait refusé. Alors, le secrétaire général adjoint demandait de partir. Pendant 2 ans, Emmanuel Macron a conseillé jour et nuit le président. Désormais, il souhaite voyager, écrire, et François Hollande accepte. Lors du pot de départ, qui a lieu au mois de juillet 2014, le président lui rend un hommage, alliant humour et affection à la Hollande, quoi. On me dit souvent, c'est vous qui travaillez avec Emmanuel Macron, dit François Hollande. Puis il conclut par cette prémonition, avec Emmanuel, on se retrouvera. Oui, mais François Hollande aurait sans doute préféré avoir raison un peu plus tard. Car dès la fin de l'été 2014, il doit faire face à une nouvelle fronde, non pas de députés, mais de ses propres ministres. À la tête de ce coup d'éclat, Arnaud Montebourg. Dans le journal Le Monde, d'abord, puis lors d'un rassemblement socialiste en compagnie de Benoît Hamon, le ministre de l'économie critique sans retenue la politique du président. Pire, l'insolent ose même se moquer de lui. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement, président. Hein. Ce 24 août 2014, le trublion Montebourg franchit la ligne jaune. La cuvée du redressement se transforme en crise gouvernementale. Le lendemain, Montebourg ainsi que Hamon sont congédiés. Et un nouveau gouvernement sans détracteurs est annoncé. Parmi les nouveaux venus, une surprise, un certain... Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, n'a pu retenir un léger sourire en prononçant le nom d'Emmanuel Macron. Et pour cause, c'est lui, l'un des plus proches amis du président, qui avait soufflé de nouveau ce nom à François Hollande, qu'il avait pourtant refusé quelques mois plus tôt. A-t-il pensé que la jeunesse et le dynamisme de Macron feraient oublier le verbe et la fougue de Montebourg? En tout cas, comme on peut le voir dans le documentaire « Un temps de président » d'Yves Jolland, François Hollande fait savoir à la presse, par la voix de son conseiller Gaspard Ganzer, qu'il accorde toute cette confiance et toute sa confiance à cet homme, Emmanuel Macron, que personne ne connaît. Il est jeune, il a 37 ans. 37 ? Ouais. 36. 36, il va avoir 37. Et le plus important, le président qui le dit, il a toute la confiance du président. Il y a toute la confiance du président. C'est le plus important. Les premières semaines du nouveau ministre de l'économie sont, comment dire, maladroites. Mais dès le lendemain de sa nomination, Le Point publie un entretien dans lequel le nouveau chef de Bercy se dit favorable à des dérogations aux 35 heures. « Cette mesure n'est pas un dogme, dit-il. » Aïe. C'est quoi cette parole iconoclaste? Tout de même, les 35 heures, c'est le totem de la gauche. Matignon est obligé de clarifier par communiqué les propos du nouveau ministre. Troublant. Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron qualifie les ouvrières licenciées d'illettrés. Là, c'est lui-même qui s'excuse au micro de l'Assemblée. Valls est chagrin. Le président, lui, ne tient pas rigueur. Dès le mois d'octobre, il lance même son jeune ministre sur le devant de la scène avec un projet de loi explosif dans lequel Emmanuel Macron promet une libéralisation des transports ainsi qu'une réforme des possibilités de travail le dimanche. De nouveau, la fronde socialiste se lève face aux mesures sociales libérales du gouvernement. Parmi ses opposants, une figure historique, Martine Aubry. Le 19 octobre 2014, quelques jours après la présentation du projet de loi du ministre Macron, elle dénonce, dans une longue interview, les vieilles recettes libérales du gouvernement, je la cite. La maire de Lille prend-elle la tête des frondeurs? Le lendemain, sur l'antenne de France Inter, elle récuse ce terme tout en saluant l'action de ses députés. Moi, j'aimerais qu'on arrête d'utiliser ce terme pour des gens qui veulent la réussite de ce gouvernement. La droite n'a rien compris. L'extrême droite est à nos portes et veut gagner. François Hollande doit réussir et le gouvernement aussi. Il y a quelques siècles, on aurait dit que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté, voilà, qui essayent d'apporter l'espoir et d'être utiles à leur pays. François Hollande ne réagit pas publiquement, mais en coulisses, il rencontre Martine Aubry et donne en même temps l'impression et de l'écouter et de pousser son jeune ministre à continuer. L'art de la synthèse, toujours, le double jeu, parfois la politique, quoi. Peu à peu, la fronde se limite à quelques brèves dans la presse, à l'inverse des portraits et des unes sur le nouvel homme fort de la Hollandie qui, eux, se multiplient. Radio, télévision, presse écrite, web, tous cherchent à suivre le nouveau ministre Macron lors de cette bataille qu'il mène au Parlement. En février 2015, l'intéressé pense avoir réussi à convaincre une majorité de députés. Sauf que Matignon refuse les dernières demandes des frondeurs. Alors, pour éviter un nouveau couac, Manuel Valls sort l'arme fatale, le 49-3. Une majorité existe vraisemblablement sur ce texte, mais elle est incertaine. Dès lors, s'il vous plaît, et c'est ma responsabilité, je ne prendrai aucun risque. La gauche gouverne, elle doit assumer ses responsabilités. Et je le dis à chacun dans l'hémicycle, avec la plus grande clarté et la plus grande détermination, parce qu'il en va de l'intérêt de notre pays. Rien ne nous y fera renoncer, rien ne nous fera reculer. C'est l'intérêt des Français qui nous commande d'agir ainsi. Sur le banc des ministres, Emmanuel Macron est meurtri. Il considère ce choix comme une attaque contre lui et soupçonne Manuel Valls de lui voler le succès de sa loi. Est-ce le cas ? Il est certain qu'au début de l'année 2015, la popularité de l'homme de Bercy étonne autant qu'elle inquiète. Et si cette cote continue de monter, que fera-t-il en 2017 ? Qui soutiendra-t-il ? Rêve-t-il de Matignon ? Rêve-t-il de l'Élysée ? Emmanuel Macron préfère botter en touche, bien sûr, comme lors de cet entretien de Cap à Presse pour Envoyé spécial. Avez-vous jamais pensé, pensez-vous parfois, à devenir président de la République ? C'est fou cette question. Vous avez dû la poser à tous les hommes politiques, à mon avis. Moi, j'ai vu trop d'hommes politiques consumer leur vie et leur présent à penser à l'étape d'après. Et du coup, n'être jamais dans leur vie. Je vous dis, j'ai vu trop de gens malheureux de cela, trop de gens passer à côté de leur vie pour cela, et sans doute trop de Français déçus de gens comme ça. Oui, mais cette question va revenir de façon lancinante dans les discussions du palais et des proches du président. Aux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, avec qui il s'entretient quotidiennement, François Hollande n'exprime aucun doute. Emmanuel Macron, c'est moi, aurait-il dit. Bon, pas de problème. Et vu que l'amitié entre le président et le ministre n'est pas née du militantisme, de campagne ou de défaite, disons que le président l'apprécie pour autre chose, presque comme un fils, comme un apprenti aussi. Il laisse tout passer, refuse de le tancer et salue dès qu'il le peut chacune de ses initiatives. Au début du mois de novembre 2015, c'est encore lui qu'il met en avant, le laissant évoquer une nouvelle loi autour des nouvelles opportunités économiques qui doit révolutionner autant le travail que le capital. Pendant cette tournée des plateaux autorisés, on interroge une nouvelle fois le ministre sur son avenir. Et là, sa réponse a un peu évolué. Écoutez. Serez-vous un jour candidat, Emmanuel Macron, à la présidence de la République ? Je vais vous faire deux réponses. Une de très court terme et une de long terme. Mmh. Celle de très court terme, c'est que quand on est dans la situation où je suis aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir des propos sur son ambition personnelle. Et à long terme, je sais vous dire une chose, c'est que dans 30 ans, je ne serai plus dans la vie politique. Entre ici et 30 ans, c'est une question auquel... Je vous ai répondu à court terme et à long terme. Et à long terme. Alors, quand Emmanuel Macron trahira-t-il la confiance du président ? Le sait-il lui-même et surtout, en a-t-il l'intention ? And now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Ce 13 novembre 2015, peu avant minuit, François Hollande prend la parole. Le souffle presque coupé face au drame. Il annonce aux Français que deux nouveaux, des balles et des bombes ont frappé des dizaines d'innocents en plein cœur de Paris et de Saint-Denis. Trois jours plus tard, face à ce terrorisme de guerre, selon sa formule, le président explique son choix de déchoir de sa nationalité toute personne condamnée pour ce motif. Terrorisme. Et c'est ainsi qu'après les critiques sur le terrain économique, c'est sur le plan philosophique et moral que le président est désavoué par une partie de la gauche. Hollande doute, hésite, puis accepte, après des semaines de débats, de faire machine arrière. Oui, mais trop tard, sans doute. Dans le même temps, le président doit faire face à une nouvelle vague de contestations. En février 2016, le projet de réforme du Code de travail est présenté par la ministre Myriam El Khomri. L'accueil est à la hauteur de la défaite des dernières municipales. La fronde contre le gouvernement atteint désormais les rues. La France se bloque, la gauche se divise, Hollande s'isole un peu plus. Emmanuel Macron, à qui on a refusé finalement sa seconde loi, regarde de loin ce pouvoir qui s'enlise. Et, dans ces conditions, mieux vaut tracer sa propre route. Le 2 avril 2016, alors qu'il est convié par le président à un rendez-vous de travail pour préparer la prochaine intervention télé du chef de l'État, mais aussi sa future campagne, Emmanuel Macron l'informe qu'il va lancer à Amiens une sorte de think tank. Bien, Hollande ne réagit pas. Sauf que le think tank en question est en fait un mouvement politique qui porte le nom En Marche. 10 jours plus tard, invité par France 2, François Hollande met en garde son protégé à sa manière. Emmanuel Macron, il a été mon conseiller. Je connais le talent et c'est pourquoi j'ai voulu qu'il puisse entrer au gouvernement. Ensuite, il doit être dans l'équipe, sous mon autorité. Il l'est ? Oui, il est dans l'équipe et il est sous mon autorité. Vous en êtes sûr ? Mais j'en suis sûr parce que c'est entre nous non pas simplement une question de hiérarchie, il sait ce qu'il me doit, c'est une question de loyauté personnelle et politique. Pourtant, comme dans un déni de réalité, François Hollande refuse de voir l'ambition de son ministre préféré. Emmanuel Macron le sait et teste cette loyauté. Le 22 avril, il annonce dans la presse ne pas être l'obligé du président. Puis, devant lui, il nie tout emportement. Quelques jours plus tard, le ministre de l'économie récidive à Orléans lors d'un hommage à Jeanne d'Arc. Écoutez bien, avec le recul, on voit à quel point la parabole était claire. Comme une flèche, sa trajectoire est nette. Jeanne fend le système. Elle brusque l'injustice qui devait l'enfermer. Jeanne est bergère, mais elle se fraye un chemin jusqu'au roi. Jeanne est une femme, mais elle prend la tête d'un groupe armé et s'oppose au chef de guerre. Jeanne n'est personne, mais elle porte sur ses épaules la volonté de progrès et de justice de tout un peuple. Elle était un rêve fou. Elle s'impose comme une évidence. François Hollande prend note, et sans désarroi, en tout cas apparent, car pour l'heure, ce sont les frondeurs qui lui minent le moral. Le 11 mai 2016, ceux-ci attaquent en effet de nouveau le gouvernement, et frontalement. Deux jours après que Manuel Valls a utilisé une nouvelle fois le 49-3 pour faire passer la loi travail, 56 députés de gauche tentent de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Mais il manque deux voix. Deux voix de la majorité présidentielle qui auraient pu renverser le gouvernement. Le soir même, les deux journalistes du Monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, assistent à l'échange téléphonique entre François Hollande et Manuel Valls. Ensemble, les deux têtes de l'exécutif passent en revue la liste des félons. Aubry et Emmanuelli ont tenu leurs troupes. Aucun n'a participé à la tentative de putsch. À l'inverse de l'ancien ministre, Benoît Hamon. Le président le prend comme une trahison, autant qu'une faute. Il ne lui pardonnera jamais. Et les militants du parti semblent être du même avis. Lors du congrès du PS de juin 2016, les frondeurs n'obtiennent que 29% des suffrages. Le courant du président reste majoritaire, oui. Mais la fracture est mise au jour. Dans le même temps, Emmanuel Macron avance ses pions. Et le 12 juillet, toujours ministre, il accélère sa marche et tient son premier meeting. À partir de ce soir, nous devons être ce que nous sommes, c'est-à-dire le mouvement de l'espoir. Oui, c'est cela ce que nous sommes. Et ce mouvement maintenant, plus rien ne l'arrêtera. Ce mouvement, parce que c'est le mouvement de l'espoir et que notre pays en a besoin, ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire. Ça paraît sans doute un peu fou quand on connaît la suite de l'histoire. Mais même à ce moment-là, François Hollande pense que son ancien conseiller lui sera loyal. Cette illusion prend fin le 29 août 2016. De retour de vacances, après avoir fait la une des journaux People et avoir pavoisé aux côtés de controversé Philippe de Villiers, Emmanuel Macron se rend à l'Élysée. François Hollande lui demande s'il est sur le départ. Le ministre répond qu'il ne sait pas. Mais dès le lendemain, par téléphone, il lui annonce sa décision. Le soir même, devant ses proches, le président se rend à l'évidence. « Emmanuel m'a trahi avec méthode », dit-il. Ce sera le seul moment où il prononcera ce mot de trahison en parlant d'Emmanuel Macron. Non, il lui préfère le mot « déception ». Déception d'un homme blessé de n'avoir pas pu retenir celui qu'il avait forgé, celui qu'il avait lui-même construit. Les semaines qui suivent ce départ sont sans doute parmi les plus difficiles du quinquennat. En octobre 2016, l'Express publie des premières feuilles d'un livre événement dans lequel François Hollande raconte son quinquennat, ses réformes et critique dans le même temps une partie de ses alliés et de ses adversaires. Il avait sans doute imaginé que ce livre aurait pu lancer sa campagne. Finalement, un président ne devrait pas dire ça, c'est le titre, précipite sa chute. Dans la presse, tout s'épanche sur les mots du président, y compris Manuel Valls. Selon Le Canard Enchaîné, le Premier ministre trouve le livre irresponsable, consternant, indéfendable. Cela ressemble à un suicide politique. Il faut maintenant éviter que ce suicide personnel ne devienne collectif, ajoute-t-il. Désormais seul, rejeté par la plupart de ceux qui l'avaient accompagné 5 ans plus tôt, François Hollande renonce à se présenter de nouveau au suffrage des Français. Dans un épisode extrêmement touchant, car quand on est politique, on n'en est pas moins humain, il l'annonce avec la douleur sur le visage à la télé le 1er décembre. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Je le fais en prenant toute ma responsabilité, mais aussi en appelant à un sursaut collectif et qui engage tous les progressistes qui doivent s'unir dans ces circonstances. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas une personne, c'est l'avenir du pays. Dans les mois qui viennent, mon devoir, mon seul devoir, sera de continuer à diriger le pays, celui que vous m'avez confié en 2012, en m'y consacrant pleinement et dans le dévouement le plus total à la République. Vive la République et vive la France. Hors jeu, François Hollande assiste à distance au combat de tous ceux qui ont participé à leur manière à cette conspiration pour son renoncement. Arnaud Montebourg, le matamor, est mort, symboliquement bien sûr, et pour l'instant. Benoît Hamon, lui, accède au second tour de la primaire et terrasse Manuel Valls, premier ministre de François Hollande, un succès total. Puis c'est Benoît Hamon qui tombe à son tour, un échec total. Soutenu par les socialistes comme la corde du pendu, il s'aperçoit que la fronde s'est transformée en boomerang. Il atteint à peine 6% des suffrages, le plus bas de toute l'histoire du PS. Emmanuel Macron, lui, passe entre les gouttes. Et c'est un enchaînement incroyable de circonstances favorables et un certain talent aussi à s'engouffrer dans la brèche qui le porte au pouvoir. Le 5 mai 2017, il est élu avec plus de 66% des voix face à Marine Le Pen. Quelques minutes après l'annonce des résultats, François Hollande décroche son téléphone et le félicite. Depuis, il ne rate jamais une occasion d'épingler, voire d'agonir son successeur à l'Élysée, comme tous ceux qui se sentent trahis. Le pouvoir n'est pas une mince affaire, et la route est si longue, à la boussole en marche arrière, tu te perds, et puis l'aventure n'a pas de ministère. Une valse à plein temps se danserait-elle de travers au soleil? Oui, mais là je te revois, François, sous la pluie, sous le ciel gris de Paris. Là, tu restais là, tu disais merci, même si pour toi c'était mal parti. La critique n'a pas de revolver, mais ses yeux te fusillent au moindre bruit de courant d'air. C'est cruel, et puis elle se prend pour le Front Populaire. Cette foule infidèle qui veut te fourguer sa colère, c'est normal, oui, mais moi je te revois, François, sous la pluie. Est-ce que tu pleures sur Paris? Seul, avec effroi et sans parapluie, les yeux blanchis par l'envie d'en rester là. Là, tu restais là, tu disais merci, même si pour toi c'était mal. François, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Suite et fin de notre semaine sur la trahison politique avec notre invité aujourd'hui, Michel Cotta. Bonjour. Bonjour. Journaliste politique, auteur de nombreux ouvrages, dont les plus célèbres sont sans doute vos cahiers secrets de la Ve République. D'ailleurs, le dernier s'intitule « Quelle histoire ?». J'aime beaucoup la pochette où on voit Emmanuel Macron. Il fait un petit clin d'œil, il a l'air tout content. Et puis il y a François Hollande derrière qui a l'air ni content ni pas content. Mais qui est derrière. Mais qui est derrière déjà et qui est spectateur ensuite. Alors, dans le livre « La République des traîtres » qui a inspiré notre semaine et qui est écrit à plusieurs mains, on vous a confié un chapitre, vous l'avez choisi, je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez intitulé « Qui a tué François Hollande ?». Alors, est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il a été tué, donc trahi? Je vous dis ça, moi, parce que pendant tout le long du récit, une question m'est traversée l'esprit. A-t-il été trahi? Hier, on parlait par exemple de Chirac et Sarkozy, 95, vraie trahison, claire et nette. Est-ce qu'il a été trahi, François Hollande, après tout? Non, la trahison n'a pas été claire et franche. Et en plus, si on voulait voir les traîtres, ils sont de plusieurs côtés. C'est pas pour minimiser la volonté personnelle et l'ambiguïté même personnelle d'Emmanuel Macron. Mais enfin, c'est vrai que les frondeurs, vous y avez fait allusion tout à l'heure, les frondeurs, c'est-à-dire tous ces socialistes unis pour rappeler à François Hollande qu'une autre voie seule est possible, celle du Front populaire, et qui taxe tous François Hollande de néolibéralisme, hein, puisque depuis 2014, François Hollande a engagé une action effectivement de social-démocratie. Avec le pacte de responsabilité. Avec le pacte de responsabilité. Oui. Donc alors, moi je trouve que les frondeurs sont très importants dans cette histoire. C'est vrai, lorsque François Hollande dit dans son discours de lorsqu'il se retire, il dit « ma candidature ne ferait pas l'unité ». Les socialistes, c'est pour ça qu'ils sortirent en premier. Et je crois que c'est vrai que c'est en premier, c'est pour ça. Alors, évidemment, la question se pose, une brèche étant ainsi ouverte, même si François Hollande a annoncé en décembre, qu'il ne se représenterait pas, la voie était quand même largement ouverte à un retrait ou une impossibilité de candidature. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est surtout ça? Surtout avec le livre. Alors, c'est ce qui était vraiment l'estocade. Alors, que ça ait déclenché sûrement des réactions et du côté d'Emmanuel Macron et du côté de Manuel Valls, c'est sûr, c'est évident. Maintenant, dans un premier temps, François Hollande le dit lui-même, puisque moi je l'ai vu lorsqu'il était non candidat, mais qu'il regardait évoluer les choses, et il défendait presque Macron en disant après tout, il a saisi une occasion, la politique c'est toujours de saisir des occasions. Mais oui. Et puis depuis et après, évidemment, quand on voit que les choses sont allées plus loin, et puis il est vrai aussi que François Hollande a pensé très longtemps que si Emmanuel Macron faisait son think tank, s'il faisait ses réunions, s'il essayait de créer un mouvement, c'était pour que ce mouvement se rallie à lui, oui. In fine. Voilà. Au moment de l'élection. Parce que quand même, un ministre des Finances, vous vous souvenez ça, on s'en souvient tous, qui tient des propos aussi iconoclastes sur la politique économique qu'on voudrait faire jouer au gouvernement, ça pose question, on se dit, mais il veut quoi ce jeune homme-là? Non, c'est temps, pour être juste, l'interview au point où Emmanuel Macron, deux jours après avoir été nommé, dit « les 35 heures ne sont pas un tabou », oui. Elle a été enregistrée avant qu'il soit nommé ministre. D'accord. Juste, c'est mal tombé. Voilà, c'est mal tombé. Enfin, elle a été enregistrée avant. Ouais. Et elle paraît comme ça. Bon, mais il y en a eu d'autres quand même. D'ailleurs, oui, tout à fait. Et il y a une volonté aussi, de s'affirmer comme quelqu'un de différent. Alors, au fond, on voit bien qu'il y a une sorte, à la fois, une sorte de vision d'Emmanuel Macron, sans doute celle qu'il a fait élire finalement, et puis des maladresses. Parce que les maladresses, on les voit bien là. Même pendant qu'il est ministre de l'économie seulement, il y a sans arrêt, effectivement, les 35 heures, mettons que on peut dire qu'il a enregistré avant, mais enfin, les illettrés... Voilà, il y a eu d'autres déclarations après. Et on voit là, quand même, une sorte de maladresse de Macron, qui, je suppose, lui est reprochée au moment où nous parlons. Oui. J'imagine. Mais elle existait sûrement avant. Bon, alors ça, c'est le deuxième raison du retrait et donc de la trahison de François Hollande. La troisième, alors on se pose la question effectivement de Manuel Valls. Moi j'ai tendance à être plus indulgente à l'égard de Manuel Valls, qui effectivement, voyant François Hollande avait fait ce livre qui ne passait pas du tout à ces deux journalistes du Monde, ça passait pas, parce que effectivement un président n'avait pas le droit de dire ça, qui se disait attention, Macron est sur le départ. Alors est-ce que effectivement en dernier lieu, est-ce que c'est pas lui qui a un peu poussé François Hollande? Mais je vous rappelle qu'à l'époque, François Hollande lui disait à Manuel Valls, tu as tort de te présenter, tu seras entraîné avec moi. Eh oui. Il ne faut pas que tu te présentes. Comptable du bilan. Comptable du bilan. Si je saute, enfin, si je saute, tu sautes. C'est ça que ça voulait dire. Et ça, effectivement, Manuel Valls ne l'a pas entendu. Et puis aussi, on peut dire que c'est Manuel Valls qui a conceptualisé la rupture des deux gauches. Oui. Et puisqu'il a dit de gauche irréconciliable, c'est lui le premier qui a fait ça dans un premier ministre d'un gouvernement avec un président qui justement avait tout fait pour faire l'alliance, pour faire l'unanimité, la synthèse, comme on disait. Mmh. Et c'est vrai qu'à partir du moment où cette rupture des deux gauches est conceptualisée, alors la position de François Hollande devient minoritaire. Mmh. C'est au fond dans cette définition-là des deux gauches où il avait tout à fait raison, Manuel Valls. Il n'empêche qu'il l'a dit à un moment où ça ne pouvait qu'affaiblir le candidat de la gauche. Bien sûr. Alors, en même temps, selon l'expression consacrée, vous avez lu, le livre de François Hollande. Alors, pas un président ne devrait pas lire ça, mais le livre, en tout cas. Un souvenir, oui, bien sûr. Et moi, j'ai quand même le sentiment que dans son livre, ceux à qui l'on veut le plus, il y revient. Les fondeurs, et Valls, les deux. Oui, non, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que et il a, à mon avis, absolument raison de dire que les fondeurs sont à l'origine de tout. Au fond, ils l'ont empêché dès les premiers mois de 2012, y compris parce qu'il a été question de voter dès le mois d'octobre, quand même, le pacte de stabilité tel qu'il avait été refait, aménagé, tout ce qu'on voudra, aménagé. Pas énormément, mais aménagé quand même par François Hollande. Ils ont quand même voté contre. Ça, vraiment, dès le début, alors que c'est un parti socialiste européen, qui était, vous vous rappelez, plus européen que la majorité des Français, d'ailleurs. Oui. Alors, d'un parti... Là, on l'a vu en 2005, lors du référendum. En 2005, c'est à cela que je fais allusion. Bon, c'est vrai que, alors, 12 personnes, 13 personnes, l'origine de ces frondeurs, c'est qu'au fond, ils n'avaient pas été nommés par François Hollande. Il faut bien voir ça. C'est que on peut dire qu'un des, je crois, une des erreurs fondamentales de François Hollande, je vois pas comment il aurait pu faire autrement, mais enfin bon, lorsqu'il a été nommé à la primaire, c'était Martine Aubry, premier secrétaire du parti, DPS, oui, qui avait déjà nommé les députés. Et les candidats aux députés, à la députation. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, François Hollande aurait dû dire « Non, c'est moi qui les nomme ». Oui, parce qu'après il était coincé. Voilà, parce qu'après il était coincé. Et or, il a voulu être fair-play, ces gens étaient déjà semis en campagne, et il s'est dit « Bon, ben, ça fera une petite fronde, et puis la petite fronde, je la rallierai ». Et puis cette petite fronde a grossi, sans doute avec des raisons, sans doute avec des maladresses aussi, mais enfin, elle a grossi au point, en effet, de l'empêcher de gouverner. Quand on pense quand même qu'en 2016, certes, les frondeurs sont allés jusqu'à tenter de déposer une motion de censure contre le gouvernement Valls, on se dit que les choses ne pouvaient pas aller plus loin. Alors, il leur a monté les trois voix, mais faire tomber leur propre gouvernement, ça, on n'a jamais vu ça. Alors, à ce propos, l'arrivée d'Emmanuel Macron et les débats autour de sa première loi, bien sûr, énerve de plus en plus les frondeurs, et Martine Aubry sort de son silence. Alors, on va écouter un extrait de l'excellent documentaire d'Yves Jolland. Macron ras-le-bol ? Non. Alors, ce qu'elle dit, Macron ras-le-bol, oui, vous savez. Donc le documentaire s'appelle « Un temps de président ». Il s'agit d'une discussion des députés socialistes à l'Élysée. On entend notamment Henri Emmanuelli ainsi que François Hollande, qui en fait s'invite à la réunion. Écoutons. On sait très bien qu'il y a des boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer. On a tous vécu des congrès, on a tous vécu des réunions. On sait très bien qu'il y a des mots, dès qu'on les prononce, paf, c'est le bouton là, où ça applaudit ou ça siffle. Et on sait très bien. Et là, il y a eu quelques heures, l'histoire du travail du dimanche à Neptune. Moi, je ne pense pas du tout qu'il ne faille pas faire un certain nombre de choses qu'il y a dans la loi Macron. Je pense qu'il y a des choses qui veulent être dans un régime, etc. Oui, il faut nettoyer. Mais pourquoi tout mettre dans un même sac, de façon à avoir dans la rue tout le monde en même temps? Donc, voilà, il y a des moments où J'ai quelques difficultés, sans doute par indigence intellectuelle, à comprendre la cohérence de l'ensemble. Bon, par quoi commencer alors Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Si on le réduit au travail du dimanche, moi je veux bien, hein. On aura le débat sur le travail du dimanche, on sait très bien comment on va finir dans le compromis. On est entre nous, on sait parfaitement comment ça se termine. C'est ça le sujet. Donc, je ne dis pas qu'il faut se forcer. Vous forcez suffisamment pour que je ne puisse pas vous faire ce moindre reproche. Mais je pense qu'il faut quand même se donner une espèce d'impulsion collective pour aller chercher les électeurs. Parce que moi, je ne crois pas qu'un électeur vienne vers nous par apitoiement. T'as un président qui parle, c'est un ancien chef de parti, hein. Ça, les équilibres politiques, il les connaît bien, et c'est normal d'ailleurs. Oui, de toute façon, dans le système tel qu'il est devenu, c'est-à-dire un quinquennat présidentiel recoupe une élection législative, il est évident que ce sera très difficile que le président n'apparaisse pas comme un chef de parti. Et au fond, de ce point de vue-là, mais c'est une autre discussion, on peut se dire que le quinquennat a quand même beaucoup changé la vie politique, parce que avant, le président était sans doute au-dessus de la majorité, puisqu'il y survivait, de toute façon. Il survivait à une élection, forcément. Là, maintenant, effectivement, c'est très difficile pour un président de la République, un, de ne pas être le chef de la majorité, et deux, de ne pas être tenu pour responsable de tout. Et c'est-à-dire que sur sa tête, il concentre tous les maux, alors qu'après tout, très longtemps, les premiers ministres ont joué les paratonnerres. Un bouclier, oui, ça, hein, on bouclier, disait, rappelez, oui. Paratonnerre ou bouclier. Ce livre de Raphaël Baquet, L'enfer de Matignon. L'enfer de Matignon. Ben maintenant, c'est l'enfer de l'Élysée. Tout l'administration, etc., passe par Matignon. Mais la responsabilité ultime, elle est absolument concentrée sur une seule personne, qui du coup, dont la solitude du coup paraît excessive, qui est le président de la République. Mais alors ça devient une trahison, un système de trahison institutionnalisé, dans la mesure où on n'a rien à craindre de l'opposition. De toute façon, pendant 5 ans, elle n'a aucune chance de l'emporter sur quoi que ce soit. Donc le danger viendrait, il serait endogène, il viendrait de ses propres troupes. Pour un président aujourd'hui, là, en tout cas, à l'intérieur du Parti socialiste, oui. Mais vous savez, ça n'était pas nouveau. Depuis François Mitterrand, il y a François Mitterrand se gaussait des réunions de secrétariat socialiste où, quand il y avait 5 présents, il y avait 5 versions différentes. Alors très souvent, ah, c'est bien, ça a servi, c'est ça la diversité, comme disait Pierre Bonroy lui-même. C'est ça la diversité, c'est bien qu'il y ait une diversité. Donc ça a toujours existé au sein du Parti socialiste. Ils sont incorrigibles de ce point de vue-là, même quand il faut garder le pouvoir. C'était pareil sous Jospin pendant 5 ans. Quand Jospin était Premier ministre pendant 5 ans. Alors, Jospin a trouvé une majorité, ce qu'il appelait baptisée plurielle, qui a tenu le coup très bien, oui, 3 ans. Qui a tenu le coup jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000, après, les communistes ont commencé. C'était plus dur, après. Les écolos ont commencé à se faire entendre. Bon, après, c'est plus difficile. Mais enfin, effectivement, il avait ce pacte qui a tenu 3 ans, mais vous avez tout à fait raison de dire que Lionel Jospin a sûrement été parmi les représentants du Parti socialiste celui qui a été suivi le plus longtemps, puisque on s'aperçoit que même François Hollande, donc 6 mois plus tard, il avait déjà un premier vote contre lui. Alors si on parlait de la presse, le rôle de la presse n'est ni de trahir, ni d'agonir, ni d'arranger le coup de qui que ce soit, ça s'appelle l'indépendance. Mais enfin quand même, rappelons-nous que François Hollande avait dit « je serai un président normal », ça voulait dire par rapport à Sarkozy « je vais pas intervenir, surtout vous allez pas m'entendre tous les jours ». C'est ce qu'il met en place, François Hollande. Et au bout de 2 mois, bashing de la presse. Qu'est-ce que c'est que ce président qu'on n'entend pas, qui fait rien? Est-ce que ça va? Je peux pas dire est-ce que c'est une trahison, parce qu'encore une fois, c'est pas notre rôle d'être dans la trahison ou en dehors. Enfin quand même, c'est... Non, je trouve que vous avez tout à fait raison de dire que c'est de plus en plus difficile de gouverner pour quelqu'un en France. Oui. D'abord, parce que justement, le président de la République incarne le pouvoir, c'est sur lui que tout tombe. Par exemple, je sais pas, on voit des ministres qui prennent des positions tout à fait libérales, qui ne sont pas critiqués par la gauche, parce qu'au fond, ce qu'ils disent semble n'avoir pas d'importance, tandis que le président, effectivement, concentre toutes les attaques sur lui. Alors ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième est que, franchement, il n'y a plus aucune... La transparence de la vie publique fait que maintenant, il n'y a pas J'allais y venir. Il n'y a pas un secteur dans lequel un président puisse ne pas être attaqué, qu'il s'agisse de ses propres finances, des finances des autres, de son maillot de bain, ce qui a été le cas avec Emmanuel Macron, de son couple, des problèmes politiques. Il n'y a plus aucune zone de transparence. Et il faut bien dire que, même si la presse joue son rôle, la multiplication des chaînes d'information continue qui brassent toute la journée la même information, la même petite information. Je me disais tout à l'heure à propos d'une grande interview, par exemple, de Sarkozy, récente, où on ne retient que ce qu'il a dit sur Emmanuel Macron, alors qu'il dit quelque chose de plus important, qui est que la démocratie risque d'être menacée. Ça, vous n'en avez pas entendu parler. Parce que c'est pas vrai. Donc, il y a quand même une espèce de surcote. Des petites phrases sans contexte à la place du contexte sans petites phrases. Vous évoquez l'interview de Nicolas Sarkozy dans Le Point. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, exactement. Alors, il y a quand même aussi, puisque c'est vous qui mettez sur ce terrain-là, finalement, il y a eu le livre de Valérie Trier-Weller. On n'a pas évoqué ça. Et alors qu'on est sur la trahison, est-ce que pour vous, c'est une trahison, ça? Ah, mais elle remonte. Alors, à mon avis, oui, il y a une vraie trahison, mais une trahison peut-être inconsciente. Alors, le livre, non. Mais la première grosse trahison sur laquelle François Hollande s'est heurté, ça a été effectivement le tweet envoyé à l'adversaire de Ségolène Royal pour lui dire je souhaite ta victoire. Oui, absolument. Bon, dans les deux sœurs. Tweet qui a été rendu public. Donc, je vous rappelle, ils étaient à l'Élysée depuis un mois, puisque c'était la préparation des législatives. Donc ça, d'un seul coup, je me rappelle que d'une façon un peu unanime, mais un peu bête peut-être. Mais la France s'est dit, s'il ne sait pas s'occuper de sa femme, alors franchement, il ne s'occupera pas de la France. Ça a été absolument très important. Alors l'autre, après, le livre de règlement de compte, apparaît ce qui est comme ce qu'il est, un règlement de compte. Oui, qu'à mon avis, aurait pu être évitable et qu'à mon avis, Valérie Trier-Weller aurait mieux fait de ne pas faire. Mais enfin, le déclencheur, alors disons pas la trahison de Valérie Trier-Weller, mais le déclencheur d'une certaine image de François Hollande à travers la presse, ça a été de sa faute. Ça a été vraiment de la faute de Valérie Trier-Weller. Voilà, c'est pas une trahison, c'est simplement malencontreux quand on vient d'être, pour un président, quand on vient d'être élu. Bien sûr. Alors, il nous reste une minute et je ne voudrais pas passer à côté de cette information. Enfin, elle est information parce qu'elle est donnée là, noir sur blanc, on aurait pu y penser avant. Comment le bon, entre parenthèses, bilan de François Hollande est passé inaperçu? C'est Le Monde qui fait un bilan. Et c'est vrai que quand on le lit, mais encore une fois, on aurait pu y passer avant, on n'a pas attendu ça, Marie-Là. Bah, le bilan, il est bon, mais personne... Il y a une phrase très intéressante. Le paradoxe du quinquennat de François Hollande, c'est qu'il a laissé la France dans un bien meilleur état qu'il ne l'a trouvé, tout en mécontentant fortement les Français. Ça veut dire que le temps politique et le temps d'attente n'est pas le même. Et puis que les Français ont des réflexes quand même souvent corporatistes. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas forcément l'amélioration des autres. Ils ne jugent qu'à travers leurs difficultés à eux. Mais donc c'est ça qui explique... Mais enfin, que ce soit un bon bilan, il se sentait d'ailleurs très bien, François Hollande, puisque lorsqu'il s'est retiré, le jour où il s'est retiré dans son allocution, il a fait lui-même son bilan parce qu'il savait bien que personne d'autre ne le ferait. Donc il a pris les devants. Enfin, effectivement, le monde, d'une certaine façon, lui rangeait, mais dit aussi qu'il manquait beaucoup de vision, beaucoup d'empathie, au fond, et d'empathie politique avec les gens, et que c'est ça qui explique surtout, qui lui a surtout été reproché. Bon, du savoir-faire, mais peut-être un manque de faire savoir. Peut-être. Du côté de François Hollande. Merci infiniment, Michel Cotta. Je rappelle le titre de votre dernier livre. Outre votre contribution à la République des traîtres, il y a ce « Quelle histoire ?» Carnet secret 2016-2017. Bah oui, quelle histoire. Tout y est. Tout y est, absolument. Merci. Michel Cotin. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, les renoncements de François Hollande, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires sensibles de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Tiens, à propos de podcast, sachez qu'Affaires sensibles est devenue l'émission la plus podcastée de France Inter, avec 3 500 000 auditeurs fidèles à nos récits, qu'ils écoutent dans la voiture, en faisant du jogging, on nous le dit souvent, ou dans d'autres circonstances qui les regardent. En tout cas, ne changez rien à vos bonnes habitudes et merci mille fois. Merci, puisque nous sommes jeudi, à toute l'équipe qui a préparé les Affaires sensibles de cette cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Gara, Jean Bulot et Adrien Mora. Comédien Philippe Hirard et Aurélien Labruyère. Attaché de production Valérie Priolet. Coordination Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Jérôme Boulet. Coyenne Guyenne. À la technique aujourd'hui, Loïc Frapsos.